Chapitre 3e. Reliques cachées. Ce même soleil d'août, qui avait disparu dans l'immensité de l'océan, éclairait de ses lueurs rougeâtres le large cadran de la vieille horloge sur l'arceau couvert de lierre qui menait dans les jardins du château de Audelay. Le couchant était d'un cramoisi ardent. Les meneaux des croisées et les treillages étincelants frappés par ses rayons rougeâtres semblaient être en feu. La lumière affaiblie se jouait dans les feuilles des tilleuls de l'avenue et changeait la surface tranquille du vivier en une plaque de cuivre poli. Dans ces obscurs enfoncements d'églantiers et de broussailles, au milieu desquels était caché le vieux puits, la rouge clarté pénétrait par lueur vacillante, et les herbes humides, et la poulie de fer rouillée, et la charpente de bois brisée semblaient tachées de sang. Le beuglement d'une vache dans les prairies si calmes, le saut d'une truie dans l'étang, les dernières notes d'un oiseau fatigué, le grincement des roues des chariots sur la route éloignée, rompaient de temps en temps le silence du soir et rendaient plus profond le calme qui régnait en ce lieu. Il était presque accablant, ce calme du crépuscule. Ce repos absolu devenait pénible par son intensité, et on éprouvait la même sensation que si un cadavre avait été quelque part, au milieu de cette masse grise de bâtiments recouverts de lierre, tant était funèbre la tranquillité de tout ce qui l'entourait. Comme l'horloge de l'arceau sonnait 8 heures, une porte s'ouvrit doucement derrière la maison et une jeune fille parut dans les jardins. Mais la présence même d'un être humain rompit à peine le silence, car la jeune fille glissa sur le gazon épais et, pénétrant dans l'avenue par le côté du vivier, disparut dans l'ombre épaisse des tilleuls. Ce n'était pas positivement une jolie fille, mais son apparence était de celle que l'on appelle généralement intéressante. Intéressante peut-être, parce que dans sa figure pâle et ses brillants yeux gris, dans ses traits fins et ses lèvres serrées, il y avait quelque chose qui dénotait un pouvoir de répression et d'empire sur soi-même, peu ordinaire dans une femme de 19 à 20 ans. Elle eût été jolie, je pense, n'eût été un défaut dans son frêle visage ovale. Ce défaut était une absence complète de couleur. Pas une teinte d'incarnat ne colorait la blancheur de cire de ses joues, pas une ombre de teinte brune ne réparait la pâle fadeur de ses cils et de ses sourcils, pas un reflet d'or ou d'ébène ne relevait le blond monotone de sa chevelure. Sa toilette même était entachée des mêmes défauts. La mousseline de sa robe vert de lavande était passée à un gris fané, et le ruban noué autour de son cou se fondait dans la même teinte neutre. Sa figure était effilée et mince, et en dépit de son noble costume, elle avait la grâce et la tournure d'une grande dame. Mais ce n'était qu'une simple paysanne. Du nom de Phoebe Marx, élevée comme domestique dans la famille de M. Dawson, et que Lady Audley avait choisie pour femme de chambre après son mariage avec Sir Michael. Cet événement avait été naturellement une étonnante bonne fortune pour Phoebe, qui avait vu ses gages triplés et qui n'avait presque rien à faire dans le service déjà complet du château. Aussi devint-elle un objet d'autant d'envie parmi ses amies particulières que Milady dans les cercles élevés. Un homme assis sur la charpente en bois du puits en ruine se leva en voyant la femme de chambre de Milady sortir des ténèbres épaisses des tilleuls et se tint debout devant elle au milieu des herbes sauvages et des broussailles. J'ai déjà dit que cet endroit était inculte, situé dans un bosquet bas et humide à part du reste des jardins, et seulement visible des croisées du grenier de la partie supérieure de l'aile occidentale du château. Eh bien, Phoebe, dit l'homme en fermant le couteau avec lequel il avait dépouillé de son écorce une branche d'épine noire. Tu viens à moi avec si peu de bruit, et si subitement que je t'ai prise pour un malin esprit. J'ai passé à travers champs. Je suis arrivé ici par l'ouverture dans le fossé, et je prenais un instant de repos, avant d'aller à la maison demander si tu étais de retour. Je puis voir le puits de la croisée de ma chambre à coucher, Luke, répondit Phoebe, en montrant un vitrage ouvert à un pignon du toit. Je t'ai vu assis là, et je suis descendu pour causer avec toi. Il vaut mieux causer ici que dans l'intérieur de la maison, où il y a toujours quelqu'un pour vous écouter. L'homme était un grand rustre, aux larges épaules, à la tournure lourde, d'environ 33 ans. Sa chevelure, d'un rouge foncé, tombait sur son front, et ses sourcils épais recouvraient une paire d'yeux d'un gris verdâtre. Son nom était large et bien proportionné, mais sa bouche avait une forme grossière et une expression bestiale. Avec ses joues colorées, sa chevelure fauve et son cou de taureau, il ressemblait à un des bœufs robustes qui paissaient dans les prairies des environs du château. la jeune fille s'assit familièrement à côté de lui, sur la charpente du puits, et posa une de ses mains devenues blanches dans ses nouvelles et douces fonctions sur son large cou. « Es-tu content de me voir, Liouk ? » demanda-t-elle. « Naturellement, je suis content, ma chère, » répondit-il d'une façon grossière, en rouvrant son couteau et recommençant à racler sa branche d'épine. Ils étaient proches cousins, avaient été compagnons de jeu dans leur enfance et liés d'amitié dans leur jeunesse. « Tu ne parais pas enchanté ? » dit la jeune fille. « Tu pourrais me regarder, Liouk, et me demander si mon voyage m'a fait du bien ?»« Il n'a pas mis un brin de couleur sur tes joues, ma fille, » dit-il en lui lançant un regard par-dessus ses épais sourcils. « Tu es aussi blanche que tu l'étais la dernière fois que je t'ai vue. Mais on m'a dit que les voyages rendent aimable, Liouk. J'ai traversé sur le continent, avec Milady, des endroits curieux de tout genre. Et tu sais que lorsque j'étais enfant, les filles de M. Horton m'ont appris à parler un peu français, et j'ai trouvé cela bien agréable, de pouvoir me faire comprendre des gens à l'étranger. « Aimable !» s'écria Liouk Marx avec un rire dur. « Qui a besoin que tu sois aimable, je te le demande. Pas moi, d'abord. Lorsque tu seras ma femme, tu n'auras pas beaucoup de temps pour l'amabilité, ma fille. Quant aux Français, que je sois pendu, Phoebe. Mais je suppose que lorsque nous aurons économisé à nous deux assez d'argent pour acheter une ferme, tu n'iras pas tenir de beaux discours aux vaches. » Elle se mordit les lèvres en entendant les paroles de son amant et détourna les yeux. Lui continua de tailler et de couper son bâton pour façonner un manche grossier, sifflant doucement entre ses dents tout le temps et ne jetant pas un seul regard sur sa cousine. Ils restèrent silencieux pendant quelques instants, mais bientôt elle ajouta, la figure toujours tournée du côté opposé à son compagnon. « Quelle belle chose pour celle qui était autrefois Miss Graham, de voyager avec sa femme de chambre et son courrier dans une voiture à quatre chevaux, et un mari persuadé qu'il n'y a pas un seul endroit sur la terre digne de porter les pieds de sa femme. « Oui, c'est une belle chose, Phoebe, d'avoir beaucoup d'argent, » répondit Liouk. « Et j'espère que tout cela est un avertissement pour toi, ma chère, d'économiser tes gages pour pouvoir nous marier. » « Et qu'était-elle dans la maison de M. Dawson il y a seulement 3 mois ?» continua la jeune fille, comme si elle n'avait pas entendu les paroles de son cousin. « Une domestique, comme moi, recevant des gages et travaillant pour les gagner plus durement que moi. Si tu avais vu, Liouk, ces pauvres rebusés, raccommodés, pleines de rentraitures, tournées et retournées, et malgré tout cela, ayant bon air sur elle, je ne sais comment. Elle me donne plus ici comme sa femme de chambre que jamais la gagner chez M. Dawson. Oui. » Je l'ai vu quitter le parloir avec quelques souverains et quelques pièces d'argent dans la main que venait justement de lui donner son maître pour payer son trimestre. Et maintenant, voilà. Ne fais pas attention à elle, dit Liouk. Prends soin de toi-même, Phoebe. C'est tout ce que tu as à faire. Que penserais-tu, par exemple, d'une auberge pour toi et pour moi, ma fille? Il y a beaucoup d'argent à gagner dans une auberge. La jeune fille ne bougea pas, la figure détournée de celle de son amant, les mains nonchalamment pendantes sur les plis de sa robe, et ses pâles yeux gris fixés sur les dernières lueurs rouges qui s'éteignaient au loin derrière les troncs d'arbres. « Tu devrais visiter l'intérieur de l'habitation, Liouk, » dit-elle. « Elle a l'air d'une vieille ruine au dehors, mais tu verras l'appartement de Milady, tout or et peinture, grandes glaces qui vont du parquet au plafond, plafond orné de peinture aussi, qui coûte des centaines de livres, la gouvernante me l'a dit, et tout cela fait pour elle. Elle a de la chance. » murmura Liouk avec indifférence. « Si tu l'avais vue, lorsque nous étions à l'étranger, avec une foule de beaux messieurs toujours pendus à ses talons, Sir Michael n'était pas jaloux d'eux, mais fier seulement de l'avoir autant admiré. Si tu l'avais entendu rire et causer avec eux, leur envoyant leurs compliments et leurs beaux discours, et eux de continuer et de l'en accabler, comme avec des roses. Elle rendait tout le monde fou, partout où elle allait. Sa manière de chanter, de jouer, de danser, son délicieux sourire et ses boucles dorées, toute sa personne faisait l'unique sujet de la conversation dans l'endroit tout le temps de notre séjour. Est-elle au château ce soir? Non, elle est partie avec Sir Michael pour aller dîner aux Beaches. Ils ont 7 ou 8 milles à faire, et ils ne doivent être de retour qu'après 11 heures. Alors, Phoebe, si l'intérieur de la maison est aussi beau que tu le dis, je serai enchanté d'y jeter un coup d'œil. Tu le pourras très bien. Mrs. Barton, la gouvernante, te connaît de vue et ne s'opposera pas à ce que je te montre quelques-unes des plus belles chambres. » Il était presque nuit, lorsque les cousins quittèrent le bosquet et se dirigèrent lentement vers la maison. La porte par où ils entrèrent conduisait dans la salle des domestiques, sur un côté de laquelle était située la chambre de la gouvernante. Phoebe et Mark s'arrêta un instant pour lui demander s'il pouvait introduire son cousin dans les appartements, et, en ayant reçu la permission, elle alluma une chandelle à la lampe de la salle et fit signe à Luke de la suivre dans une autre partie de la maison. Les longs corridors lambrissés de chaînes noires étaient plongés dans une obscurité peuplée de fantômes, la lumière portée par Phoebe produisant seulement un petit point lumineux dans les larges passages à travers lesquels la jeune fille conduisait son cousin. Luke regardait de temps en temps avec méfiance par-dessus ses épaules, à demi effrayé par le craquement de ses grosses bottes garnies de clous. « C'est une habitation mortellement triste, Phoebe, » dit-il, comme il débouchait d'un passage dans une salle principale, qui n'était pas encore éclairée. « J'ai entendu parler d'un meurtre comme ici dans le temps jadis. » « Il y a assez de meurtres en ce temps-ci, sans parler de celui-là, » répondit la jeune femme, montant l'escalier et suivie par le jeune homme. Elle lui fit traverser un grand salon tendu de satin, avec des moulures dorées, des meubles de boule, des armoires incrustées, des bronzes, des camées, des statuettes, et mille riens élégants qui brillaient dans la demi-obscurité. Puis elle le conduisit dans une salle du matin, tapissée d'épreuves gravées, de peintures de prix, et de là, dans une antichambre où elle s'arrêta, tenant le flambeau élevé au-dessus de sa tête. Le jeune homme jeta un regard émerveillé autour de lui, la bouche et les yeux ouverts. « C'est une bien belle salle, » dit-il, « et qui doit avoir coûté force argent. »« Regarde les peintures sur les murs, » dit Phoebe, indiquant les panneaux de la chambre octogone, ornés de Claude et de Poussin, de Vouvermans et de Cuyps. « J'ai entendu dire que cela seul valait une fortune. Ceci est l'entrée de l'appartement de Milady, autrefois Miss Graham. » Elle souleva un lourd rideau vert qui fermait l'entrée, introduit le paysan ébahi dans un boudoir féerique, et de là dans un cabinet de toilette, dans lequel les portes ouvertes d'une garde-robe et un morceau de vêtements jeté sur un sofa indiquaient assez que tout était resté exactement comme l'avait laissé celle qui l'occupait. « J'ai arrangé toutes ces affaires avant le retour de Milady. Tu peux t'asseoir ici, Luke, pendant ce temps. Ce ne sera pas long. » Le cousin jetait autour de lui des regards gauches et embarrassés, stupéfait par les splendeurs de cette pièce. Après quelques hésitations, il choisit le siège le plus confortable et s'assit avec soin sur l'extrémité du bord. « J'aurais voulu te montrer les bijoux, Luke, » dit la jeune fille, « mais je ne puis pas, car elle garde toujours les clés sur elle. Ils sont là, dans ce coffre, sur la table de toilette. « Quoi ? Dans cela ?» s'écria Luke, fixant le coffre massif en noyer incrusté de cuivre. « Mais cela est assez grand pour serrer tous les habits que j'ai jamais possédés. Et cela est rempli autant qu'il est possible de diamants, de rubis, de perles et d'émeraudes, » répondit Phoebe, occupé en parlant, à plier les robes de soie qui produisaient leur frôlement ordinaire et en les posant une à une sur les tablettes de la garde-robe. Comme elle secouait les plis de la dernière, un bruit de clé surprit son oreille et elle mit sa main dans la poche. « Voici, » s'écria-t-elle, « la première fois que, contre son habitude, Milady a laissé les clés dans sa poche. Je puis te montrer les bijoux si tu le désires, Luke. »« Oui, je veux bien tout de même jeter un coup d'œil là-dessus, ma fille, » dit-il en se levant de dessus son fauteuil et tenant le flambeau pendant que sa cousine ouvrait l'écrin. Il poussa un cri d'admiration lorsqu'il vit les parures étincelées sur les coussins de satin blanc. Il éprouva le besoin de saisir les fragiles joyaux, de les retourner, et d'évaluer leur valeur intrinsèque. Peut-être un saisissement d'envie et de désir ardent passa-t-il sur son cœur, en pensant combien il lui serait facile de s'emparer de l'un d'eux. « Ah ! Un de ces diamants assurait notre existence, Phoebe, » dit-il en tournant et retournant un bracelet dans ses grosses mains rouges. « Pose cela, Luke, pose vite cela !» s'écria la jeune fille avec un regard de terreur. « Comment peux-tu dire de telles choses ?» Il remit le bracelet à sa place à contre-cœur et en soupirant, puis il continua d'examiner l'écrin. « Qu'est-ce que c'est que ceci ? » demanda-t-il bientôt, montrant du doigt un bouton de cuivre dans la charpente de la boîte. En disant ces mots, il le poussa et un tiroir secret sortit de l'écrin. « Viens donc boire ici !» s'écria Luke, enchanté de sa découverte. Phoebe Marx jeta à terre la robe qu'elle était en train de plier et se pencha sur la table de toilette. « Ah, je ne connaissais pas ceci, » dit-elle. « Je suis curieuse de voir ce qu'il y a dedans. » Il n'y avait pas grand-chose là-dedans. Ce n'était ni de l'or ni des pierreries, mais simplement un petit soulier d'enfant en laine, enveloppé dans un morceau de papier, et une petite boucle de cheveux soyeux et d'un blond pâle évidemment coupé sur la tête d'un petit enfant. Les cheveux gris de Phoebe se dilatèrent en examinant le petit paquet. « Voilà donc ce que Milady cache dans le tiroir secret, » murmura-t-elle. « C'est une singulière guenille à conserver dans un tel meuble, » dit Luke négligemment. Les lèvres minces de la jeune fille se contractèrent avec un étrange sourire. « Tu voudrais bien témoigner de l'endroit où j'ai trouvé ceci, » dit-elle, en plaçant le petit paquet dans sa poche. « Quoi, Phoebe, tu ne vas pas être assez folle pour prendre cela ?» s'écria le jeune homme. « Je préfère avoir cela que le bracelet de diamant dont tu voulais t'emparer, » répondit-elle. « Tu auras ton auberge, Luke.